Alors, de retour à Futur Simple au 89.1, et c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, on va maintenant parler de chimie verte. Est-ce un mythe ou la réalité? On sait que les emballages de plastique, les mousses de polystyrène, des textiles comme les polyesters et des procédés comme celui de la décaféinisation sont tous des procédés ou des produits issus de la chimie. Mais depuis quelque temps, il y a quelque chose de particulier qui fait que cette chimie est désormais appelée chimie verte. Alors, je pense qu'on se pose tous un peu la question, qu'est-ce qui constitue la chimie verte et est-ce seulement une poudre aux yeux ou c'est la voie de l'avenir? Alors, notre chroniqueur Nicolas Garceau est ici pour nous en parler plus en détail. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Oui, en effet, depuis, disons, dans les sciences pures, depuis plusieurs années, la chimie est un petit peu, si on veut, des fois la bête noire, soit souvent mauvaise presse là, auprès du public. Tout à fait, oui. À juste titre également. Bon, il y a eu plusieurs catastrophes écologiques importantes. Des accidents mortels, etc. Bon, il y a quand même une bonne liste noire. C'est justement pour faire un petit peu ce portrait-là, là, il faut se rappeler que là, l'industrie chimique, comme on la connaît aujourd'hui, a eu son boom dans les années 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est au cours de ces années-là qu'on a eu plusieurs là, événements assez noirs. Là. Par exemple, en 1961, on découvre que la thalidomide, donnée comme antinauséeux, cause des malformations aux nouveau-nés quand elle est donnée aux femmes enceintes. Vers la même époque, on découvre que le DDT, qui était souvent vu comme un remède miracle pour enrayer le paludisme, est un polluant organique persistant. Et il y a eu plusieurs accidents industriels comme Seveso, Bhopal en Inde, qui a fait près de 20 000 morts, si je me rappelle bien. Oui, effectivement, avec un déversement. C'est un gaz toxique qui s'est répandu. Oui, c'est cyanate de méthyle. Exact. C'est très, très, très, très dangereux. Et puis plus récemment, l'usine AZF à Toulouse en 2001, qui c'est assez fort, disons, pour marquer les esprits. Mais par contre, on peut tout de même se dire que toute cette liste noire, on reprend toujours ces exemples-là, la liste reste quand même assez courte comparée à tous les usages qu'on en fait, les bénéfices qu'on en fait toujours. C'est un fait. C'est d'ailleurs justement l'an passé, soit en 2011, c'était l'année de la chimie, puis l'UNESCO avait décidé d'essayer de redorer un petit peu le blason de la chimie, et c'est pour ça qu'ils ont mis l'accent sur la promotion de la chimie verte. Mais je suppose que cette chimie verte, en fait, se veut plus près du développement durable. Oui. On veut une chimie qui respecte la vision du développement durable, telle que le mentionné lors de la commission Brundtland en 1986, si ma mémoire est bonne. On dit « Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre là. » Autrement dit, la production de produits toxiques qui est persistant dans l'environnement, c'est pas mal loin de cette vision-là. C'est pas ça qu'on veut, effectivement. Non, vraiment pas. Et beaucoup, par le passé, on voyait la dilution considérée comme la meilleure solution au problème de pollution. C'est une solution facile, ça. Oui, c'est la solution facile. C'est surtout qu'on ne se rendait pas compte que ce qu'on faisait à un endroit pouvait se répercuter sur le reste de la planète. Pensons juste aux plus acides, que c'était des gaz qui venaient de l'industrie aux États-Unis qui affectaient principalement le Canada. Et en Europe, il y a eu le même problème. Donc, c'est à partir des années 80-90 qu'on prend conscience que les problèmes peuvent être globaux et mondiaux, et que ce qu'on fait, la dilution, c'est pas vraiment une solution. C'est pas une solution, là. À partir des années 90, le concept, justement, de l'idée de chimie verte est lancé. Et à partir de 1998, deux chimistes de l'EPA, l'Environmental Protection Agency des États-Unis, qui est un peu l'équivalent du gouvernement, en fait, du ministère de l'Environnement. Exact, le ministère de l'Environnement américain, si on veut. Les deux chimistes, Paul Anastas et John C. Warner, ont défini la chimie verte comme étant la chimie ayant pour but de concevoir des produits et des procédés chimiques permettant de réduire ou d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses. Ça me paraît bien beau tout ça, mais je pense que l'expression « substance dangereuse » est un petit peu vague comme définition. Oui, en effet. Ça laisse beaucoup à interprétation. Oui, ça laisse à interprétation, mais c'est voulu comme ça. Ah bon, OK. Parce qu'on la prend au sens le plus large possible. Autrement dit, ça peut être un danger physique, donc des substances inflammables, explosives, des dangers toxicologiques, donc cancérigènes, mutagènes, etc., ou même globale. Donc, on pense à la destruction de la couche d'ozone et changement climatique. Mm-hmm. Ça rentre là-dedans. On essaie d'éliminer ça. Mais je veux dire, ça peut aussi être très global, du genre l'eau, on peut se noyer dedans, donc on pourrait considérer que c'est une substance dangereuse, alors que... Oui, c'est ça. Il faut quand même faire la part des choses. Mais justement, on ne veut quand même pas exclure tout ce qui pourrait être vraiment dangereux. Mais c'est bien beau, mais comment, en fait, mettons en œuvre cette chimie verte en pratique? Là? En pratique, il y a 12 principes qu'il faut, qui ont encore été établis par les deux chimistes américains, Anastasia et Warner, que les chimistes qui se veulent verts doivent suivre. Okay. Alors, premier, ça commence, ouais. Ouais, le premier principe, c'est la prévention. C'est mieux de ne pas produire de déchets que éliminer. C'est un simple. Ouais, tout à fait, c'est un principe simple. C'est ça. Le deuxième, c'est l'économie d'atomes. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on fait une réaction chimique, il y a toujours des réactifs et des produits à la fin. Ce qu'on veut, c'est que l'ensemble des atomes des réactifs se retrouvent dans les produits. Okay. Donc, aucun déchet. OK. Si on parle à ce moment-là d'efficacité des réactions chimiques. Exactement. Théoriquement, on voudrait que ce soit 100 % mais on sait qu'en pratique... C'est pas toujours le cas. Souvent, on a des déchets qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Oui, puis des fois, on a des faibles rendements aussi. Exact. Lorsque c'est possible, la troisième, c'est qu'on essaie que, justement, les méthodes de synthèse soient faiblement toxiques ou qu'il n'y ait presque pas de conséquences pour l'environnement. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Les produits chimiques doivent être conçus de manière à remplir leur fonction primaire, tout en minimisant la toxicité. Donc, on veut quelque chose qui soit quand même efficace, mais on réduit la toxicité le plus possible. Lorsque c'est possible, on supprime l'utilisation de substances auxiliaires, comme les solvants, les agents de séparation, des choses comme ça. On va au plus simple possible, toujours. Puis aller au plus inoffensif aussi. Et au plus inoffensif. Puis je pense, par exemple, au benzène qu'on a beaucoup retiré comme solvant parce qu'il est cancérigène. Exact. Alors ça, c'est un exemple concret. Tout à fait. J'en ai quelques exemples tantôt aussi là, oui. Par rapport à ça. Les besoins énergétiques des procédés chimiques, on essaie de les diminuer au maximum parce que les coûts en énergie, c'est pas très bon. Plus on dépense d'énergie, moins c'est bon pour l'environnement. C'est un fait. Les technologies et les moyens financiers, quand ça le permet, on essaie d'utiliser des matières premières recyclables, renouvelables. Okay. Et non pas, on les utilise et après on les jette. OK. Mais là, j'accroche un petit peu sur ce que tu viens de dire. Oui. Quand les moyens financiers nous permettent, ouais, c'est toujours subordonné. C'est toujours ça, malheureusement. C'est ça. C'est beau. Malheureusement. on essaie d'être dans le schéma de la synthèse, d'être le plus précis possible. Là, on part du point A au point B. On ne passe pas par C pour arriver à notre produit final. C'est un fait. Parce qu'effectivement, en synthèse, en chimie, je veux dire, on peut avoir plusieurs et plusieurs étapes, exactement. On essaie d'aller toujours du point A au point B le plus vite possible. C'est ça. On essaie d'utiliser des réactifs catalytiques et non pas des réactifs stoichiométriques parce que les catalytiques sont plus efficaces. Ah, OK. Ils sont plus sélectifs aussi. Okay. Donc, on cible vraiment le produit qu'on veut. Les produits chimiques doivent être conçus de façon à pouvoir dissocier les produits de dégradation non nocifs. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin là, de leur vie utile, on puisse s'en débarrasser sans qu'il y ait de problème, qu'ils ne soient pas persistants là, éternellement. C'est ça. Donc, dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est étudier leur cycle de vie au-delà de l'usage exact. Pour lequel ils sont conçus. Donc, exact. Il faudrait les suivre, finalement. Oui, c'est ça. Justement, c'est le point 11. Le point 11, c'est suivre de A à Z, faire une surveillance du côté de l'environnement de toute la production de A à Z pour trouver tous les points à améliorer. Puis le dernier, c'est un peu l'évidence aussi, c'est d'éviter tout au long des processus tout ce qui pourrait être dangereux, causer des accidents, donc incluant les rejets, les explosions, puis les incendies. Ben, c'est un fait. Et en fait, est-ce qu'il y a quelques exemples d'emplois de la chimie verte dans l'industrie présentement? Oui, il y en a déjà plusieurs. OK, allons-y. Exemple, l'ibuprofène qu'on connaît tous. Oui, en fait, qui est Motrin ou Advil, si je me rappelle bien. Oui, c'est un petit analgésique. La synthèse classique se déroule en 6 étapes. Ça génère des quantités importantes de déchets. Pour produire 13 000 tonnes d'ibuprofène par année, on produit plus de 20 000 tonnes de déchets. Oh, donc on produit plus de déchets qu'on produit d'ibuprofène. C'est ça. Ça ressemble un peu au sable bitumineux de l'Alberta. Oui, c'est un peu ça. C'est ça. Mais maintenant, au début des années 90, on a trouvé un procédé catalytique, vous avez dit que c'était plus efficace tantôt, oui. Qui réduit le processus D à 3 étapes seulement. Okay. Ça réduit énormément la quantité de déchets produits. Ouais. Et en plus, tous les sous-produits peuvent être réutilisés. Donc, à la fin, il n'y a aucun déchet produit pour vrai. Ça, c'est fantastique, ça. Ça, c'est assez fantastique. Oui, ça, c'est un bel exemple. Oui. Un autre exemple, c'est on remplace les matières, la matière première non renouvelable, comme le pétrole, pour fabriquer des plastiques biodégradables à partir de plantes. Okay. Donc, renouvelables. Il y a déjà certains exemples sur le marché, mais il y a de plus en plus de nouveaux procédés pour faire de nouveaux plastiques plus durables, plus efficaces, qui pourraient même éventuellement arriver dans la construction de nos voitures, mais faite à partir de plantes. OK. Et non pas de pétrole, qui pourrait être assez consommateur, dommageable pour l'environnement. C'est un fait. Mais est-ce que c'est le cas présentement aujourd'hui? Est-ce que C'est pas encore. Okay. Ce plastique-là, celui-là que je parle en particulier, il n'est pas encore au point. Il a été mis au point, mais tous les procédés là, de validation, etc., c'est des chercheurs d'IBM qui ont mis ça au point. Okay. Ils disent qu'il pourrait être recyclé quasi à l'infini. Il pourrait remplacer le plastique des bouteilles, bouteilles d'eau. Okay. Il pourrait à rentrer dans presque tout ce qu'on veut. Mais le lobby du pétrole, il n'aura pas tendance à s'abuser? Probablement. Ouais. Il y a aussi une autre question qu'on peut se poser. Ouais. Les bouteilles d'eau, est-ce qu'on en a vraiment besoin? En plus, ça c'est un fait. Donc, c'est un autre... Peut-être qu'il y aurait une côté consommation qu'on pourrait diminuer. Oui, à la base de ça. Un autre exemple, c'est l'utilisation, justement, on parlait de solvants. Ce qu'on utilise maintenant beaucoup, c'est ce qu'on appelle le CO2 supercritique. OK, qu'est-ce qu'on entend par... Ouais, c'est un peu bizarre. Hein? C'est, dans le fond, on sait que le gaz carbonique, c'est un gaz. Oui, c'est un fait. Si on le refroidit suffisamment, il peut devenir la glace sèche, donc il devient solide. Mais il n'y a pas d'état liquide. Mais il n'y a pas d'état liquide parce qu'à la pression ambiante à température pièce, il se sublime, donc il devient un gaz immédiatement. Exactement. On augmente juste un tout petit peu la pression. Autrement dit, on peut mettre la glace sèche dans un pot fermé. Okay. Puis juste le fait qu'on mette ce pot-là dans de l'eau, mettons, à 50 degrés Celsius, à un moment donné, la pression va augmenter au point que la glace sèche va se transformer en liquide. Donc, on réussit à le transformer en liquide au-delà de son point normalement qu'il est rendu gazeux. Okay. Parce qu'il y a de la pression. Avec les propriétés du CO2 supercritique, justement, permet d'aller chercher, d'extraire énormément d'huile naturelle sans l'utilisation de solvants comme les hydrocarbures, l'hexane, l'acétone, tous des produits dangereux et des produits assez toxiques, inflammables, etc. C'est très utile. Par exemple, pour votre usage quotidien, quand vous prenez du café décaféiné, c'est que le café est passé dans une solution de CO2 supercritique. Ah bon? Okay. Le CO2 rentre dans les grains de café, va sortir la caféine. Uh-huh. Et après, c'est fait de l'extraction. Et après, le CO2, s'évapore tout simplement. Puis en plus, on peut réutiliser la caféine, la vendre à des compagnies chimiques qui l'utilisent dans d'autres produits. Les pharmaceutiques, par exemple. Exactement. Sont intéressés par ce genre de produits. C'est drôle, Nicolas, parce que j'étais sûr, moi, que c'était des solvants comme le chloroforme qu'on utilisait pour... Peut-être jadis qu'on avait déjà fait ça. Oui, c'était le chloroforme. C'est effectivement, pour la caféine, en fait, justement, pour extraire la caféine du café, c'était le chloroforme. Il y a eu beaucoup de pression pour éliminer ça. Oui, parce que c'est quand même assez dangereux. Oui, effectivement, le chloroforme. Mais c'est un très bel exemple, ça. Oui. D'ailleurs, en 2005, le prix Nobel de la chimie a été remis à quelqu'un qui avait fait un procédé de chimie verte. Essentiellement, s'il prenait deux réactifs, mettons que le réactif 1 il est composé de A et B, et l'autre est composé de C et D, mais on fait juste intervertir les atomes, puis on a des nouveaux produits. Donc, on s'arrange. C'est comme un jeu de chaise musicale avec les atomes. OK. Donc, on développe des stratégies, finalement. C'est des stratégies, justement, qui permettent d'éviter la production de déchets qu'on ne veut pas, dans le fond. C'est un fait. Est-ce que tu as d'autres exemples dont tu veux nous parler? Je pense que c'est pas mal les exemples que j'avais. Mais je suppose, en fait, que tout n'est pas rose, là, parce qu'on parle de chimie verte. Non, en effet. On l'a mentionné déjà. La grosse barrière au développement, c'est l'activité commerciale, la rentabilité des procédés verts. Il faut que le procédé vert soit plus rentable ou au moins égal à long terme au procédé traditionnel. Fait que pour que l'industrie soit attirée, parce qu'il faut qu'il y ait un retour sur leur investissement. Oui, c'est un fait. Sans ça, ils ne voudront pas vraiment bouger. Autre problème, il y a... tranquillement et des efforts pour essayer de trouver une espèce de guide. Comment qualifier un procédé de verre? Comment qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a une norme là-dessus? Pas, je pense pas avec les recherches que j'ai faites. J'ai pas réussi à trouver de norme. Okay. Il y a beaucoup d'associations mondiales qui travaillent là-dessus. L'EPA travaille là-dessus. Mais même sur le site de l'EPA, il n'y a pas énormément de choses encore. Donc, c'est un peu flou. On essaie de donner un pointage. Bon, mais ce procédé-là, vu qu'il remplace, il élimine beaucoup de solvants toxiques, bon, il donne 50 points, puis on fait un total de tout le procédé industriel, puis on dit, bon, vous avez une note sur 100 de 86, fait que vous êtes à 86% vert. Okay. C'est grosso modo le processus qu'on fait en ce moment. Mais il y a sûrement encore des développements à faire, justement, pour évaluer... Oui, éventuellement, il faudrait vraiment qu'il y ait une norme établie, probablement... Je subodore les ISO vouloir s'emparer de ce domaine rapidement. Alors, merci beaucoup, Nicolas Garceau. Et espérons que tous ces beaux principes ne coucheront pas seulement d'une souris verte. Alors, nous allons faire une courte pause musicale et on vous revient tout de suite après. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89,1.